Un jour, dans le monde, il y eut trop de rues, trop de chemins, trop de boulevards. Il a fallu qu'on les appelle par des noms, pour qu'on puisse s'y retrouver. Au départ, on alla au plus simple. La rue qui allait vers l'église, on l'appela rue de l'église. Le chemin qui descendait vers le lavoir, on le dénomma chemin du lavoir. Et la place où le samedi matin s'installaient le boucher, le marchand de primeurs et l'apiculteur, on la baptisa place du marché. C'était un monde plus simple. Personne ne discutait les noms des rues. L'odonymie, quand on veut faire son malin. Mais un beau jour, on eut envie de mettre en valeur des valeurs. Place de la République, place de l'Europe, avenue de la Liberté. L'avantage était à la fois de mieux se repérer sur une carte et de faire chier ceux qui détestaient la République, l'Europe ou la Liberté. Et puis encore un autre jour, dans le but de saluer, de rendre hommage, de faire plaisir à la famille, aux amis, on donna des noms de personnalités. Victor Hugo, Charlemagne, Georges Clémenceau ou encore François Morel, qui à sa rue, à Thonon-les-Bains, en tant que sergent-chef et pilote de chasse, tué le 18 mai 1940 en combat aérien à l'âge de 26 ans. Bon, là, on commença à discuter. On voulait bien qu'il y ait une voix Victor Hugo, mais dans ce cas-là, il fallait que Baudelaire, Colette ou Jules Renard puissent avoir aussi leur nom associé à une adresse postale. Pas de raison. Et puis, Clémenceau, d'accord, mais pourquoi pas Gambetta, Mac Mahon, Jean Jaurès ou Charles de Gaulle? François Morel, sergent-chef et pilote de chasse, entendu, mais pourquoi pas Bruno Locher, tirailleur sénégalais, ou Yolande Moreau, ambulancière dans la 2e division blindée? Le bordel commença. Pour s'excuser d'avoir célébré avec tout un tas de rues, de squares, d'avenues, Thiers, Adolphe, de son prénom, le massacreur de la commune, on créa des rues Jules Vallès, des boulevards Auguste Blanqui, des places Jules Joffrin, comme on donnerait des noms de juifs à des avenues pour contrebalancer l'existence d'un boulevard Adolf Hitler. Par ailleurs, chaque municipalité voulut sa place Staline, son boulevard Khrouchtchev, son avenue Karl Marx, du temps qu'elle était communiste. Puis, passée dans l'anticommunisme, débaptisa toutes ses voies pour créer des places Kennedy, des boulevards Solzhenitsyn, des avenues Alain Minc. Nommer une voie, c'est souvent faire preuve d'injustice. Parfois, ça confine à la concurrence déloyale. Remarquez qu'il y a un boulevard McDonald's et même pas une venelle Burger King. Au risque de flirter avec l'inanité, des municipalités un peu tiédasses créèrent des lotissements aux rues ne prêtant pas le flanc aux polémiques. Rue des Jonquilles, rue des Bleus et rue des Pissenlits. À Paris, depuis quelques années, on trouve les noms des espaces publics dans les génériques des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Johnny Hallyday, Michel Berger, France Gall. Parfois, les administrés ont fait valoir des revendications. Pourquoi une rue Champfort dans le 16e arrondissement, alors qu'Alain Champfort n'est même pas mort? On veut une place Mike Brandt et une place Claude François. Généralement, ce sont des places où personne ne réside, qui sont des carrefours sans adresse. Ce n'est pas si grave, personne ne sait plus où il habite. Merci à vous François Morel, on vous retrouve sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris pour votre spectacle « Tous les marins sont des chanteurs ». France Inter.